soleil pas brûler nous. Oh, trouver un place dans l'amour, pousser un qui la joie qui a guidé nous. Oh, ça dirait, oh, ça dirait, oh, ça dirait, oh, ça dirait. Mais nous savons ça pas facile. Toujours y'en soutien l'eau. Oh, ça dirait, oh, ça dirait, oh, ça dirait, oh, ça dirait. La vie qui est tellement plus belle, l'aide qui est arrivée, jamais. Dis-moi, Léo, qu'a souffert. Ah, dans le jardin, en nous, ces sentiments qui a poussé. Pas où qui a fait mal, pas arrivé vers nous ailleurs. Parce que on tient en nous, c'est l'amour qui a fleuri. Oh, ça dirait, oh, ça dirait, oh, ça dirait, oh, ça dirait. Mais nous savons ça pas facile. Faut toujours y en souffrir. Let's say.